89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Évidemment, en ce 31 octobre, il y aura un peu d'Halloween à l'émission. Ce sera avec Samuel à 18h30. Il nous dira pourquoi nous aimons tant avoir peur. Mais le mois d'octobre, c'est pas seulement le mois des citrouilles et des squelettes, c'est aussi le mois des oies des neiges, aussi des bernaches qui sont passées chez nous pour rejoindre leur quartier d'hiver au sud. Et cette année, j'ai eu l'impression de voir beaucoup de bernaches, notamment sur le bord du fleuve à Lévis. Je me suis demandé si la population des bernaches était en augmentation. Et en fait, même, qu'en est-il des oies blanches? Et plus généralement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'une espèce est en expansion ou en déclin? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai invité André Desrochers. Il est professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. André Desrochers, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons, si vous le voulez bien, André, par l'oie des neiges. Est-ce qu'on a une idée, en fait, de la taille de la population des oies des neiges aujourd'hui? Oui, on a une assez bonne idée. Au Québec, en fait, on a une population qui s'appelle la grande oie des neiges, qui est distincte de la population, d'une autre population de la même espèce plus à l'ouest, en Amérique du Nord. Et celle de l'Est, celle qu'on voit au Québec, en fait, elle approche le million, mais ça fluctue entre 700 000 et 1 million. C'est des nombres extrêmement élevés comparativement à ce qu'on retrouvait il y a quelques décennies. Et quelques décennies seulement? Oui, absolument. Ben, en fait, la hausse est assez vertigineuse depuis, encore une fois, quelques décennies. Mais au début, si on remonte assez loin, en fait, si on remonte une centaine d'années, il y avait juste quelques dizaines de milliers de d'oies des neiges. C'est vraiment une augmentation fulgurante. C'est un des oiseaux qui a augmenté le plus au Québec depuis un siècle. Et est-ce que vous savez si on observe une augmentation aussi pour les bernaches? Parce que je passais le long du fleuve la semaine dernière. Il y a vraiment beaucoup de bernaches cette année. Mais en fait, je sais pas vraiment. Je vais pas forcément tous les ans au même endroit pour voir si c'est pareil les autres années. C'est plus compliqué avec la bernache parce que on a eu un phénomène récent des bernaches de régions tempérées qui nichent maintenant en régions tempérées qu'on voyait pratiquement pas autrefois. Et ces bernaches-là ont augmenté, encore une fois, de manière vertigineuse. Mais on n'a pas des nombres là, comparables à ceux des grandes oies des neiges. Okay. Là, on parle de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers là, de ces bernaches-là. Mais par contre, il y a la bernache du Canada traditionnelle, on va l'appeler comme ça, qui, elle, va nicher plus au nord et qu'on compte aussi en plusieurs dizaines de milliers. Là. Mm-hmm. En fait, en gros, dans l'Est ou au Québec, il y a environ 10 fois moins de bernaches que d'oies des neiges. Okay. Puis environ 10 fois moins de bernaches du sud que de bernaches entre guillemets traditionnelles, celles qui migrent de plus longues distances. Donc les oies des neiges, quand même 1 million d'oies des neiges pour 8 millions de Québécois, c'est quand même une proportion assez importante. Est-ce que par hasard vous savez pourquoi il y a une telle augmentation? En fait, j'ai pas suivi la littérature très récemment, mais ce que j'ai compris, c'est que l'oie des neiges survit beaucoup mieux les hivers en tirant profit du grain là délaissé dans les cultures aux États-Unis, dans ces lieux d'hivernage comme en Caroline, par exemple. Mm-hmm. Donc, il semble y avoir une question de survie hivernale là, qui l'oiseau semble avoir tiré profit des pratiques agricoles. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons, mais il y a sans doute d'autres raisons aussi. Mais bien sûr, maintenant, on a instauré une chasse printanière. Bon, il y a toutes sortes de mesures pour prévenir là une augmentation, une perte de contrôle, si on veut, de cette population de grandes oies des neiges. Mm-hmm. Je parlais tout à l'heure d'un million. Je crois pas qu'on soit tout à fait là en ce moment, mais je crois qu'il y a eu une année récente là où on avait atteint le million, effectivement. Ah ouais, d'accord. On est plus dans 800 000, je crois. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Donc là, vous parlez de ne pas perdre le contrôle de la population, et moi, je me demandais... quand on atteint des nombres, des populations de cette taille-là, est-ce qu'on parle d'une espèce envahissante, finalement? Surtout quand on la voit, qui va des fois sur les champs, dans les terres agricoles. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce envahissante? Et plus généralement, pour étendre la discussion à d'autres espèces, est-ce qu'on a un critère pour dire que telle espèce est envahissante ou pas? Ben, en fait, c'est un critère de perception, hein, plutôt plus qu'un critère scientifique. Il n'y a pas une définition scientifique de quelque chose d'envahissant. C'est un terme qui est très coloré, je dirais, mais qui nous informe sur notre perception du phénomène. Alors, si une espèce est en augmentation, mais qu'on est content de l'augmentation, ben on parlera pas d'une espèce envahissante. Par exemple, le pigargue à tête blanche, mm-hmm. ou l'aigle à tête blanche, mm-hmm. il est en augmentation très importante, mais on parle pas encore d'une espèce envahissante dans son cas, parce que, j'imagine, on est tout à fait content de voir qu'il y a plus de pigargue à tête blanche, on est fasciné par le phénomène, mais on n'est pas atterré par ce phénomène-là parce qu'il cause pas de dommages économiques ou des choses comme ça, mm-hmm. comme potentiellement ou en réalité, en fait, peut le faire la Grande Voie des Neiges. Mm-hmm. Et dans le type des grands oiseaux qui sont en augmentation, est-ce qu'il n'y a pas aussi le rebut à tête rouge? On n'en voyait pas, il me semble, il y a une vingtaine d'années au Québec, on n'en voyait pas vraiment, puis maintenant, on les voit. Oui, absolument. L'urubu est un de ces oiseaux-là qui a augmenté de manière fulgurante. On parle pas encore une fois d'une espèce mm-hmm. envahissante dans le cas de l'urubu. En fait, l'urubu fait le grand ménage le long des routes en mangeant des animaux morts. Et possiblement d'ailleurs que son augmentation récente est reliée à l'augmentation du parc automobile, du trafic routier, etc. Puis aussi l'augmentation du cerf de Virginie dans l'Est, au Québec en particulier, qui fait donc plus d'animaux qui sont entrés en collision avec des véhicules, donc plus de nourriture pour les urubus. En tout cas, ça, c'est une des hypothèses sur la table. Mais le point est que on parle pas d'une espèce envahissante dans le cas de l'urubu. Par contre, une autre espèce qui a le qualificatif d'envahissante, c'est la grue du Canada, qui elle aussi a augmenté de manière vertigineuse ces dernières années. Mmh. La grue cause des dommages ou potentiellement pourrait en causer là de dommages significatifs aux cultures. Et du coup, on va se mettre à parler de la grue comme étant une espèce envahissante. Mm-hmm. Parce qu'elle vient un peu en compétition ou en concurrence avec nous, finalement. C'est un petit peu exactement. Exactement. Donc, le mot envahissant, je dirais, définit pas la relation de l'oiseau avec la nature, mais plus la relation de l'oiseau avec nous, les humains. Mm-hmm. Vous, André, vous êtes un peu plus spécialiste des passereaux, donc des oiseaux qui sont peut-être dans les forêts, qui viennent dans nos cours. Est-ce que dans ces espèces-là, il y a aussi des espèces qui sont en augmentation, sans nécessairement parler d'espèces envahissantes? Est-ce qu'il y en a qu'on voit quand même en augmentation? Oui, en fait, pour faire une histoire assez courte, au Québec, ce qu'on semble constater, c'est que environ la moitié des oiseaux du Québec, les espèces d'oiseaux du Québec sont en hausse et l'autre moitié sont en baisse. Donc, si on veut une espèce d'équilibre, si on fait le portrait global de toutes les espèces d'oiseaux, là, je parle ici de entre 200 et 300 espèces, là, selon qu'on compte ou non certaines espèces rares. Là. Mais donc, la situation n'est pas particulièrement préoccupante. En fait, elle n'est pas particulièrement étonnante. Si on demandait à quelqu'un qui est complètement ignare de la situation des oiseaux, c'est un peu comme un pile ou face, dans le fond. Mm-hmm. Donc, les petits oiseaux, plusieurs espèces sont en hausse, en particulier les espèces forestières. Aussi, les plus grands oiseaux, comme les oiseaux de proie, sont en hausse. En fait, la majorité des espèces forestières sont en hausse depuis environ une cinquantaine d'années. On pourrait revenir là-dessus, là, pourquoi depuis 50 ans. Mais aussi, la moitié des espèces, donc, est en baisse. Et on parle, par exemple, d'oiseaux qui sont en baisse assez précipitée, comme les oiseaux de milieu champêtre, les hirondelles, les sturnelles, les goglus, ce genre de choses-là. Et dans ceux qui sont en hausse, par exemple, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des noms connus d'oiseaux qui sont en hausse? Parce qu'on connaît pas, on n'est pas tous ornithologues amateurs, on connaît pas tous le nom de tous les petits bruants et parulines, mais est-ce qu'il y en a dans les oiseaux connus qu'on sait, qu'on observe, dont on observe une hausse? Oui, les pics, par exemple, si vous avez des mangeoires, vous allez attirer le pic mineur ou le pic chevelu. C'est deux oiseaux qui sont en forte hausse depuis déjà quelques décennies. Les citelles aussi sont en hausse. Ah oui? Oui. Ah, d'accord. Et qu'en est-il des étourneaux? Parce que les étourneaux, en Europe, on voit des fois des immenses nuages d'étourneaux. On dit qu'ici, en Amérique du Nord, c'est une espèce introduite, l'étourneau? Oui, depuis 100 et quelques années, là, on a des étourneaux en Amérique du Nord, donc ils ont été délibérément introduits dans le Nord-Est, en fait, en Nouvelle-Angleterre, puis un peu comme le moineau, à peu près dans les mêmes années. Donc, deux espèces qui se sont répandues en Amérique du Nord. Mais elles ne sont pas forcément devenues envahissantes. On n'en voit pas des nuages énormes comme on peut voir en Europe qui s'abattent sur les champs. Oui, ben on peut voir des fois des nuages, mais effectivement, ils ne sont pas aussi énormes que ceux que je me suis adonné de voir en Europe. Là, mais on voit ce phénomène-là aussi parfois à la fin de l'été. Là, c'est surtout des jeunes étourneaux, la production de l'année. Puis donc, encore une fois, on parle d'une espèce envahissante dans le cas de l'étourneau parce que elle déplaît à beaucoup d'ornithologues parce qu'elle utilise des sites de nidification d'autres espèces qui sont soit en situation préoccupante ou qu'on aime beaucoup, etc. Donc, Et quand il y a une espèce comme ça qui devient envahissante, est-ce qu'on doit la contrôler? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des moyens efficaces de la contrôler? Ben, je dirais un peu par définition, si on la considère envahissante, c'est parce qu'on constate qu'il y a un enjeu, un problème. Donc, par conséquent, on va être amené logiquement à vouloir la contrôler. Je dirais donc que l'étiquette espèce envahissante vient presque automatiquement avec une mesure quelconque qui va être proposée pour réduire ses nombres ou les maintenir à une certaine stabilité. Dans le cas de l'étourneau, par exemple, je connais pas de telles mesures, là. Mais on pourrait imaginer que des mesures de contrôle de population se présenteraient dans le cas de cette espèce-là si elle devenait vraiment là hyper abondante, comme c'est le cas d'ailleurs dans certaines villes européennes où on a eu des méthodes assez draconiennes pour contrôler les nombres de ces oiseaux-là. Mm-hmm. Et avec les mouettes ou les goélands, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas appliqué aussi certaines mesures pour essayer de limiter le nombre de... Alors, je ne sais plus, les mouettes ou les goélands sur les dépotoirs? Oui, exactement. Ben, en fait, ici, à Québec, on a le cas du goéland à bec cerclé, donc qui est l'espèce de goéland qu'on voit beaucoup en milieu urbain. Qui s'installe souvent pour faire des colonies, donc dans des endroits indésirables, puis sur des toits d'édifices ou dans des sites industriels. Puis la loi protège ces oiseaux-là. Par conséquent, ça devient un peu compliqué de gérer. Là, il faut avoir des permissions spéciales pour récolter des œufs ou des choses comme ça. Puis les goélands, c'est comme les poules. Si on récolte les œufs, ils vont en pondre d'autres œufs. Donc, on utilise des méthodes comme une forme d'asphyxie là, où on enduit les œufs dans les colonies d'une certaine huile qui asphyxie l'embryon. Mais l'œuf reste sur place, donc le parent se rend compte de rien, il continue de couver l'œuf qui est stérile. Donc il y a une sorte de méthode comme ça, plus ou moins créative, là, pour contrôler ces envahisseurs-là. D'accord. Donc là, André, jusqu'à présent, on a parlé des espèces dont les populations augmentent, mais bon, puis vous dites que majoritairement, en gros, sur les espèces du Québec, il y en a davantage qui sont en augmentation qu'en diminution? À peu près ex aequo. Ex aequo. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont en diminution. Est-ce qu'il y a des espèces phares qui sont en diminution au Québec? Oui, puis est-ce qu'elles sont phares parce qu'elles sont en diminution? Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Mais oui, ben l'hirondelle bicolore, par exemple, qui est un oiseau bien connu, bien apprécié de beaucoup de personnes. On met des nichoirs dans la cour, etc. Ben l'hirondelle bicolore, en tout cas, moi, je me souviens, j'ai quitté l'Amérique du Nord pour mes études au début des années 90. Et puis avant d'avoir quitté, il y en avait encore beaucoup. Mon retour au Québec... C'est un oiseau qui était notable par son absence. J'avais beaucoup de difficultés à revoir des hirondelles bicolores. C'était l'expérience partagée d'ailleurs par tous les ornithologues ici. Il semble que ces dernières années, il y a un léger regain de l'espèce dans ce cas-ci de l'hirondelle bicolore, mais n'empêche qu'elle est beaucoup moins nombreuse qu'elle l'était. Mais un pire cas, c'est celui de l'hirondelle de rivage qui a diminué. Il y a peut-être 1 ou 2% des populations qu'il y avait... il y a 50 ans, là, au Québec. 1 ou 2%, c'est pas beaucoup, effectivement. Il en reste beaucoup. Mais le nombre absolu est quand même assez élevé, mais c'est un oiseau qui était extrêmement plus abondant autrefois. Et qu'en est-il du moineau? Parce que moi, j'ai souvenir avant qu'on était, bon, pas envahi, mais il y avait plein de moineaux dans nos cours, et maintenant, on n'en voit plus tellement. Oui, effectivement. Le moineau, en fait, ben, c'est un cas intéressant parce que, bon, du temps des premières colonies, il n'y avait pas de moineaux ici dans le nord-est d'Amérique. En fait, il n'y avait pas de moineaux en Amérique, comme on l'a dit tout à l'heure. L'oiseau, on l'a invité chez nous. Il s'est installé. Il a cru de manière exponentielle jusque peut-être au 19e siècle où on avait l'âge d'or de l'agriculture champêtre traditionnelle, hein, avec les clôtures et les haies et tout. Le genre de milieu et le bétail, bien sûr, qui était parfait pour le moineau. Maintenant, et ce milieu-là était à proximité des villes jusqu'encore récemment. Mm-hmm. Par exemple, à Québec, il n'y a pas si longtemps, il y avait des fermes à proximité des champs, donc de l'habitat à moineaux. Mm-hmm. Et on s'imagine que le moineau débordait dans les villes, puis les villes offrent aussi des structures intéressantes pour cet oiseau-là. Mais là, maintenant, le milieu agricole ne côtoie plus du tout. La ville est beaucoup plus loin. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles on voit moins de moineaux là, en ville. Mm-hmm. Est-ce que donc les populations d'oiseaux, bon, elles montent, elles descendent, est-ce que ça fait des cycles comme ça? On entend parler du harfang des neiges, par exemple, qui est lié au cycle du lemming. Donc, est-ce qu'il y a des cycles comme ça de populations qui montent, qui descendent en fonction de la transformation du milieu, de l'abondance de nourriture? Oui, la réponse courte, c'est oui, puis j'ai une étudiante qui a fait sa maîtrise il y a quelques années sur cette question-là. En fait, on voulait voir quelle proportion des oiseaux du Québec est périodique, quelle proportion donc montre des cycles. Mm-hmm. Et on est arrivé à un chiffre assez faramineux de l'ordre du tiers des espèces qui auraient un cycle soit de 2 ans, de 3 ans, on est allé jusqu'à 12 ans. On peut pas aller statistiquement au-delà de ça parce qu'il faut plusieurs occurrences du cycle pour le montrer statistiquement. Or, nos données, nos bonnes données pour quantifier les populations remontent aux années 1970. Mm. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait des oiseaux qui avaient un cycle, mettons, d'une périodicité de 100 ans ou plus, ça va nous prendre encore des décennies avant de le déceler statistiquement. Il faut avoir observé une récurrence de plusieurs cycles pour... Voilà. Ouais. Donc, quelque chose, par exemple, pourrait être en augmentation depuis 100 ans, mais ça veut pas dire que c'est une augmentation inexorable, ça veut peut-être vouloir dire que nous sommes dans la phase croissante d'un cycle qui est beaucoup plus long encore. Mm-hmm. Même chose, d'ailleurs, pour le déclin. Mm-hmm. Ben, c'est ça, je me demandais, justement, une espèce dont la population diminue, est-ce que ça veut dire qu'elle est en voie de disparition ou qu'elle va atteindre le creux d'une vague et remonter? On peut pas le savoir. Non, je suis un peu trop prudent en disant ça parce qu'il y a des espèces comme l'hirondelle de rivage ou plus précisément l'hirondelle rustique qui est une autre espèce d'hirondelle qui vit dans les milieux champêtres et le goglu, la sturnelle, les oiseaux champêtres. On sait très bien pourquoi ils sont en déclin. C'est parce que les milieux champêtres eux-mêmes sont en déclin. Mm. Alors, dans ce cas-là, l'explication est assez simple. Et effectivement, si la tendance se maintenait de la disparition du milieu champêtre, on aurait à toute fin pratique la disparition de ces espèces-là, du moins au Québec, ou la quasi-disparition, parce que ils tirent d'affaire dans certains habitats similaires, là, qui sont plus naturels. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des espèces au Québec qui sont officiellement menacées de disparition? Parce qu'il y a ceux qui sont, on présume qu'ils sont un peu en déclin, on les voit diminuer, mais ils sont pas pour autant en disparition. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont menacés de disparition? Oui, puis certaines espèces ont un statut légal, en fait, de menacées. Hein. Il y a une définition très stricte du terme là, au niveau de la loi québécoise sur les espèces menacées, aussi bien qu'au niveau de la loi fédérale sur les espèces menacées, parce qu'on a deux paliers là, de gouvernement qui ont chacun leur loi là-dessus. Et eux, ils ont des listes d'espèces qui sont désignées là, menacées ou susceptibles d'être désignées ou vulnérables. Bon, ils ont toute une terminologie un peu macabre, là, qui peut faire peur, hein. On est à l'Halloween. Ouais. Fait que, bon, comme vous l'avez dit, les gens aiment avoir peur. Je pense que c'est vrai aussi dans le cas de certains cercles ornithologiques. Mais il y a des oiseaux qui sont en voie de disparition au Québec, comme possiblement la griffe des bois, qui est un oiseau qui se retire progressivement du sud du Québec, qui était commune autrefois ici dans la région, qu'on ne voit pratiquement plus maintenant. Puis elle semble être en déclin aussi dans les régions plus la Montérégie, Montréal, etc. Alors peut-être qu'on est en train d'assister à son départ là, définitif, ou en tout cas à long terme du Québec. Par contre, l'espèce, si elle est en déclin au Québec, ça ne veut pas dire qu'elle est en déclin partout. Alors ça aussi, il faut nuancer. C'est pas une espèce endémique propre au Québec? Voilà. Ouais. Alors, comme l'hirondelle noire, une autre hirondelle encore, cet oiseau-là est en déclin au Québec, mais elle est en hausse dans l'Ouest canadien. Ah! Alors, au niveau de la population globale de l'espèce, ça peut être assez compliqué. On ne peut pas extrapoler. Mm. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus, alors je ne sais plus si c'est la griffe de Bicknell, comment elle s'appelle. Donc, oui. Elle, c'est une espèce endémique. Par contre, elle ne réside qu'au Québec et elle est aussi en chute libre, sa population? Non, je dirais non aux deux questions. Premièrement, elle n'est pas tout à fait endémique au Québec, même si effectivement c'est une des animaux les plus entre guillemets endémiques du Québec. Il demeure qu'il y a des oiseaux de cette espèce-là qui nichent aussi dans les Appalaches aux États-Unis et dans les Maritimes. Au Québec, on a peut-être la moitié, je donne un ordre de grandeur là, très général là, peut-être la moitié de la population mondiale ou un peu moins. Mais n'empêche qu'on a une responsabilité énorme, effectivement, vis-à-vis cette espèce-là. On dit qu'elle est en déclin dans certaines régions. Dans l'Atlantique, elle semble effectivement être en déclin. Au Québec, c'est pas du tout clair. En fait, dans l'aire d'étude, j'ai travaillé beaucoup sur cette espèce-là, à la forêt Montmorency, juste au nord de Québec, puis elle semble être plutôt en bonne posture dans cette région-là. Mm-hmm. Et donc, pour ces espèces qui sont, dont la diminution, dont les populations sont en diminution, certaines qui sont qualifiées d'espèces menacées de disparition, est-ce qu'il y a des mesures, des protocoles à appliquer, des mesures pour sauver un peu ces espèces-là? Oui, en fait, je reviens à la loi. Par exemple, au niveau fédéral, on a un comité au Canada sur le statut des espèces en péril, le COSEPAC, c'est son acronyme. Puis c'est un comité de scientifiques, en fait, qui émet des rapports de l'état de la situation de différentes espèces pour les désigner éventuellement ou mettre à jour leur statut. Et une fois que le statut est officiellement menacé, par exemple, au niveau de la loi, ben la loi prévoit que des mesures seront mises en place pour rétablir l'espèce. Alors, ça peut passer par sauvegarder davantage d'habitat, réduire des quotas de chasse. Ça peut être aussi des choses, des méthodes plus drastiques, là, comme par exemple dans le cas du faucon pèlerin qu'on a rétabli, où on avait fait un programme d'élevage en fait de jeunes en captivité pour ensuite les relâcher. Ça, c'est extrêmement dispendieux et évidemment on veut c'est un dernier recours. On veut pas se rendre à cette situation-là pour la plupart des espèces, sinon on n'aurait juste pas les moyens de Mais ça marche bien, ça, d'élever et puis de remettre après en nature. C'est une solution qui marche bien, sinon? Oui, ça marche extrêmement bien. En fait, on a pu sauver littéralement certaines espèces, comme la grue blanche d'Amérique avec ces méthodes-là, le condor de Californie, qui serait probablement ferait partie de l'histoire ancienne si on n'avait pas eu ce programme-là. Mais c'est des programmes, encore une fois, très onéreux. Et alors, comment vous voyez un petit peu l'évolution de la faune aviaire au Québec? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est menacée parce qu'il y a des habitats qui sont transformés? Peut-être on a peut-être moins de cultures de champêtres comme avant. Est-ce que la forêt a peut-être changé aussi? Donc, comment vous voyez de façon générale la faune aviaire au Québec? Ben moi, je suis plutôt optimiste et curieux aussi. Alors, je trouve ça fascinant de voir les populations d'oiseaux changer. Je suis pas... j'encourage d'ailleurs les gens à explorer cette avenue-là, cette interprétation-là, curieuse et optimiste, plutôt que l'anxiété là qui court partout actuellement, où dès que quelque chose change, on devient anxieux. Or, la nature, évidemment, change. Si la nature cessait de changer, là, il y aurait matière à préoccupation. Et les populations d'oiseaux vont continuer de changer. Et sur 300 espèces, il va toujours y en avoir une centaine et plus qui vont être en déclin. Alors, on peut pas vivre dans un monde où il y en a 300 espèces qui sont toutes en hausse. Parce que ce serait un problème en soi, si c'était le cas d'ailleurs. C'est vrai. Donc, il va toujours y avoir aussi les 3 ou 4 les plus en déclin. Là. Et c'est sain là, de vouloir les préserver, mais il faut se rendre compte que c'est une situation inévitable au niveau statistique qu'on ait quelques espèces qui sont en déclin précipité à cause du grand nombre d'espèces qu'on a. Mais vous disiez que c'était à peu près égal, donc le nombre d'espèces qui sont en augmentation, celles qui sont en diminution, donc il y a quand même un maintien. Est-ce qu'en nombre d'oiseaux, parce que bon, il y a les espèces, il y a les comptes au niveau des espèces, mais il y a les comptes en masse. Oui, la biomasse, si on veut. C'est ça. Effectivement, ce qu'on a en main suggère que les nombres sont en baisse. Il y a moins d'oiseaux qu'il y avait autrefois. C'est sûr que si on lit des récits historiques comme ceux d'Audubon, etc., ces gens-là avaient l'air de verser facilement dans l'hyperbole, là, faut prendre un peu avec un grain de sel les scénarios qu'on nous décrivait autrefois. Mais il y a des études qui suggèrent que les nombres d'oiseaux globaux ont décliné. Mais c'est extrêmement périlleux de tirer des conclusions robustes sur ces choses-là, parce qu'estimer les nombres d'oiseaux, c'est très difficile. Mm-hmm. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler justement de comment on fait pour évaluer, estimer si les populations d'oiseaux sont en augmentation ou pas. Très rapidement, André, bon, vous travaillez sur les oiseaux, mais vous êtes aussi ornithologue amateur éclairé, etc. C'est où qu'on peut voir des oiseaux au Québec? Quels sont les beaux endroits? Ben, le meilleur endroit à Québec ou dans la grande région de Québec, c'est le Cap Tourmente, quant à moi. C'est là où on a la plus belle diversité de milieux et d'espèces d'oiseaux. En fait, c'est le site au Québec qui a récolté le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. On a dépassé les 300 espèces d'oiseaux au Cap Tourmente, historiquement. Plus près, il y a le domaine de Mézeray aussi qui était un excellent site d'observation. Très bien. Alors, peut-être j'aurai l'occasion de vous réinviter, André, pour qu'on parle un peu plus, pour qu'on voit un peu plus comment on fait pour évaluer si les populations sont en augmentation ou pas. Donc, et on aurait pu aussi élargir toute cette discussion, évidemment, sur la faune, sur la flore. Alors, merci beaucoup, André. Bien, merci à toi. Nous étions en compagnie d'André Desrochers, professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval. On va faire une petite pause sur CKRL 89.1 et Samuel Lauzon vous revient avec son costume d'Halloween.